yeux. Ton regard à la maman, la prunelle de mes yeux. On a connu la galère, les métaux précieux. Tout revient à la maman. On a connu les galères, on a connu les drames. Des fois que bandana, quand on était gamin. Passage, je suis avec la papa, la papa, c'est quoi la papa, c'est la famille. Nous on vient du quartier sensible, gros cigare de Cuba, petite danse du Brésil. Au mariage, au décès, au baptême, les mêmes qui sont là, la cause à Nostra. Place sur mon lit pour Mélias, Calamares, j'aurais fait le coup du foulard. Fennec dans la brune, foyer dans la fume, on en a brûlé des thunes. J'ai construit ma vie sur un champ de ruines, je rentrais après la lune. Si nous fâchés, ça fait un papa. Moi et ma team, on est plein, plein, plein. Tout ce qu'il faut dans ma plan, plan, plan. Des pays, slam, slam, slam. On a connu les galères, on a connu les drames. Des fois que des bandanas, quand on était gamin. Si je veux réussir, c'est pour la maman. Je pense à elle quand tout va mal. On a connu les galères, on a connu les drames. Des fois que des bandanas, quand on était gamin. Si je veux réussir, c'est pour la maman. Je pense à elle quand tout va mal. Love est douce, vénéno. Pas de marche arrière, pas de créneau. Je fais mon malin comme Serge Benoît.